Salut Blockbuster, c'est Thomas Croisière. Ça fait 3 ans que vous me promettez une émission spéciale Michel Sardou. Alors on en est où, cette émission spéciale Michel Sardou? Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Salut Blockbuster, alors j'ai bien réfléchi par rapport à la polémique qu'il y a eu sur le changement de nom d'une œuvre d'Agatha Christie. Et en fait, pour résoudre le problème, je crois qu'on pourrait appeler ce livre « Ils étaient 10, petits nègres ». Comme ça, tout le monde est content. Ben voilà, ne me remerciez pas, ça fait toujours plaisir de résoudre les problèmes de la société. Bonne continuation et à bientôt. Ouais, salut Blockbuster, c'est Thomas Croisière. Alors moi, je veux bien qu'on fasse une émission spéciale sur Agatha Christie qui a fait découvrir aux gens l'Orient. Mais n'oublions jamais que Michel a fait découvrir aux gens les lacs du Connemara. Donnez-moi un M, donnez-moi un I, donnez-moi un C, donnez-moi un H, donnez-moi un E, donnez-moi un L. Qu'est-ce que ça épelle, Michel? Ok, j'avais du retard. Mais alors, l'épisode Mario Kart entre Bénis, Sigrid et Dedo, le trio infernal et vos invités complémentaires, ça a été un festival et une farandole de dérapages incontrôlés et inconsolables. Bravo à tous. Elle court, la maladie d'amour. Salut Frédéric, bon, ça fait 4 ans que je veux laisser un message et là j'arrive pas à résister, je suis un peu en retard, mais barrez-vous qu'on demime. Oui, bonjour, alors je ne suis absolument pas Thomas Croisière, mais je trouverais formidable que vous fassiez une émission spéciale Michel Sardou. Voilà, je vous le glisse à l'oreille et je compte sur vous. Merci beaucoup, Blockbuster. To be or not to be, not to be. Musclor, G.I. Joe, les Transformers, Captain Power, Captain Planet, les Gobos, Mask, Bravestar, Blackstar, Silverhawks, les Tortues Ninja, Big Jim, Action Man. Ça, quand je rentrais dans un magasin de jouets à la fin des années 80, c'était toutes les licences auxquelles j'avais accès. Bon, la majeure partie d'entre elles, c'était des soldats, des cow-boys ou des robots guerriers. Bref, que des trucs que j'offrirais pas à mon fils aujourd'hui, de peur d'en faire un masculiniste, impérialiste, soutenant les lobbies industrialo-militaires. Lui, à la place, il a eu droit à une moitié de ballon en bois à monter soi-même. Ça, comme le temps passé devant les écrans, c'est rien d'autre qu'une des énièmes hypocrisies qui jalonne ma vie de papa bobo qui lit des articles de décroissance de Pierre Rabhi sur une tablette Apple. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que dernièrement, je suis entré dans un des derniers magasins de jouets qui survivent en France et je suis tombé sur des murs entiers de figurines pop. Alors, j'ai rien contre les figurines pop, mais ça vend autant de rêves qu'un point Covid par Olivier Véran. Elles sont où les figurines articulées stars des enfants du 21e siècle avec leurs véhicules ou leurs montures vendues séparément, leurs tenues sous-marines ou leurs combinaisons spéciales grand froid, le méchant avec la tête fluorescente qu'on voit dans le noir, elles sont où? Et me dites pas que c'est parce que les dessins animés d'aujourd'hui ne le méritent pas. Steven Universe, Avatar, le Prince Dragon, Trollhunters, Gumball. On a fait tomber le mur de Berlin. Saura-t-on faire tomber le mur des figurines pop? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Cette histoire se passe sur une planète imaginaire qu'on appelle Eternia. Une planète où, étrangement, tous les personnages ont les mêmes qualités ou défauts que les Terriens, à l'exception toutefois de Musclor, héros de ce récit et doué de pouvoirs extraordinaires. Si vous avez grandi dans les années 80 ou si votre progéniture était enfant à cette époque-là, vous connaissez forcément Musclor et les maîtres de l'univers. Adam, le prince d'Eternia, un bodybuilder blond avec une coupe au bol qui portait des t-shirts blancs taille S avec un gilet et un slip en fourrure rose. Quand il levait son glaive magique vers le ciel, la symbolique vient juste de m'arriver, hein, il se transformait en Musclor, la version bronzée de lui-même. Dessin animé ou figurine, Musclor de la société Mattel, c'était le blockbuster de notre enfance. Et pour revenir sur cette icône qui n'a jamais vraiment disparu de nos écrans et de nos magasins de jouets, j'ai avec moi Thomas de Souza, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes créateur de la chaîne YouTube Papa Blender, axée sur les séries et les jouets. Exactement, c'est ça. Et merci de m'accueillir ce soir, Frédéric. Et je suis ravi. Avec vous, Alexandra, bonjour. Bonjour. Vous êtes une intervenante régulière sur la chaîne de Papa Blender. Tout à fait. Je viens donner mon petit grain de sel. Bien. Avec nous, Joyoum, je suis ravi. Bonjour Joyoum. Salut, ça va ? Oui, Joyoum, journaliste culture, animateur du Morning Rock et de la matinale sur UFM. Tout à fait, c'est la même chose d'ailleurs. Oui. Hein, c'est la matinale, c'est le Morning Rock. Oui, mais comme ça, on a l'impression que vous êtes beaucoup plus occupé. C'est vrai. Merci de faire ça. Voilà, carreleur, monteur 13h, si vous m'avez rajouté. Si vous avez besoin, je laisse mes coordonnées hors antenne. Alexandre Letraine, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, vous êtes journaliste série pour VL et animateur du générique TV Show. Exactement. Ensemble, on va revenir sur la création des figurines des maîtres de l'univers. Comment ces jouets vendus avec une mini bande dessinée ont abouti à la création d'un des dessins animés américains les plus marquants de cette période? Comment ce dernier a fait évoluer la censure autour des dessins animés pour enfants? On parlera bien évidemment des films, du film avec Dolph Lundgren et Courteney Cox de Friends, oui. Mais aussi de sa série jumelle, She-Ra. Les nouvelles adaptations qui fleurissent en ce moment. Bref, on va vous expliquer que les maîtres de l'univers sont toujours en pleine possession de leurs moyens. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Ah, la nostalgie, vous avez dû reconnaître l'introduction des maîtres de l'univers avec la voix de Philippe Auguste qui double Musclor, voilà, qui parlait de ce secret. Secret très très mauvais parce que quand même. C'est pas le secret qui est mauvais, c'est les gens qui ne devinent pas. Oui, c'est vraiment, parce qu'au moins Superman a une paire de lunettes pour cacher quelque. Voilà, on peut imaginer que. Mais lui, il a vraiment la même tête en Musclor et en Adam. Oui. Mais ses parents disent non, on sait pas. Je pense que les parents d'Adam ne s'intéressaient pas du tout à lui en fait, et c'était ça que. C'est un enfant rejeté. Ou alors c'est vraiment une nation entière de gens qui sont dans le déni, quoi. Oui, ils sont vraiment dans une sorte d'aveuglement total. Faut reconnaître que le slip en fourrure capte l'attention aussi. Je pense. C'est ça, c'est ça la théorie. Pas vraiment le visage. Okay. Alexandre Letraine, oui. Expliquez-nous comment sont nés les maîtres de l'univers. Alors, les maîtres de l'univers, d'abord, on le doit à un grand producteur américain qui s'appelle Lou Scheimer, qui dirigeait une société qui s'appelle Filmation. Filmation, ils ont fait beaucoup de dessins animés dans les années 70. Waldo Kitty, par exemple, pour les plus anciens. Mais surtout, ils ont travaillé avec un monsieur qui aujourd'hui a beaucoup de problèmes, qui s'appelle Bill Cosby, puisqu'il a travaillé, il a créé le dessin animé qui s'appelle T'as le bonjour d'Albert. Et ça a duré pendant des années. Et en fait, au début des années 80, au sein de Filmation, la société est rachetée, en fait. On va essayer de faire simple, elle est complètement rachetée. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils vont être contactés pour mettre en image, en dessin animé, les gammes de jouets produits par Mattel. Et pour développer donc toute cette mythologie. Parce qu'en fait, les jouets ont été créés bien avant le dessin animé, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'envie d'exploiter les jouets et de les vendre le plus possible. Et comme en fait, il y avait une législation qui interdisait en fait de faire de la publicité pour enfants, c'est là qu'ils se sont dit, faisons un... On va contourner. Ils l'ont fait d'ailleurs avec un dessin animé un peu plus tard qui est Jace. Oui. C'est exactement pareil. On crée un dessin animé pour vendre la franchise. Et il va falloir développer tout ça parce que c'est évidemment très, très, très important pour pouvoir à la fois permettre au dessin animé évidemment de naître, mais surtout aux jouets de se vendre. C'est les débuts du merchandising en télévision finalement. Je rebondis là-dessus. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les comic books qui étaient inclus dans les blisters de figurines et le dessin animé, c'était vraiment des arguments de vente marketing. D'ailleurs, la décision de les créer, ça s'est déroulé pendant que les marketeurs de chez Mattel présentaient la gamme de jouets chez Toys R Us ou chez Toy World. Ils leur disaient, oui, mais alors attendez, parce que les enfants, ils connaissent pas du tout l'univers d'Animan. Ils se sont dit, oui, mais vous savez, il va y avoir des bandes dessinées, et puis bon, on va faire un dessin animé aussi, mais tout ça, c'était pas prévu. Et ça va servir de base à la Bible du dessin animé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'est un petit peu avancé, un représentant qui avait un peu pris la confiance, et qui a dit, non, mais il y a un dessin animé, puis un film aussi, et puis un parc d'attractions. C'est un peu c'était l'escalade, hein, ça a escaladé très très vite. C'est un point qui est très intéressant sur la gamme de Musclor, en fait, c'est que elle reflète, alors ça a été le premier vraiment jouet qui a été porté par un dessin animé. Parce que quand Reagan est arrivé au pouvoir, Il a cassé la réglementation qui protégeait l'enfance, en fait, et qui interdit depuis les années. Il a même cassé les enfants. Il a cassé beaucoup de choses. Il a tout cassé. Et c'est vrai que depuis les années 60, aux États-Unis, c'était plutôt bien fait. On n'avait pas le droit de faire des publicités dans des programmes jeunesse, en fait, pour enfants. Notamment dans les pierres à feu, il y avait de la publicité pour fumer des cigarettes. Donc ça n'a pas vraiment plu à l'époque. Reagan a cassé ça. Ça s'appelait les pierres à feu. Ça s'appelle. Oui. Et pas de mensonge. Il y a quand même une logique quelque part. Ouais, c'est les morceaux se recollent. Moi, je vends des clopes. Je ne veux pas la télé. Je peux me faire avoir. Et voilà. Et c'est vraiment un reflet de cette société américaine et qui a fait évoluer le jouet en parallèle avec ses conséquences. Et comme tu le disais, Mark Ellis, qui est un des marketeurs de chez Mattel, s'est engouffré dans l'actualité et a dit voilà, ben écoutez, Toys R Us, y a pas de problème. Nous, on a un dessin animé pour appuyer et on est les premiers à le faire. Mais c'est presque un accident parce qu'au départ, ils voulaient en fait plutôt s'occuper de tout l'univers qui tourne autour de Conan le Barbare et puis la franchise coûtait vraiment beaucoup trop cher et ils cherchaient surtout à concurrencer aussi tout le merchandising qui était fait autour de Star Wars. Donc il y avait vraiment cette politique là et puis ça a pas marché. Donc ils ont un peu dérivé les projets qu'ils avaient autour de Conan pour en faire le premier He-Man. Mattel revient de loin avec cette histoire parce que il s'était fait avoir sur plusieurs licences. Donc il s'était fait avoir avec Flash Gordon, fait avoir avec le Choc des Titans où ils ont lancé des gammes de jouets pour soutenir ces films-là, sauf que les films sortaient au printemps. Donc la gamme de jouets devait sortir 15 jours un mois avant, au mois de mars, vendre des jouets au mois de mars. Oui, c'était pas bon. Oui. Ils se sont fait avoir, ils ont perdu énormément d'argent sur ces licences-là. C'est pour ça qu'ils sont passés à côté de Star Wars, parce que quand Lucas est arrivé, ils ont dit non, on va arrêter. Kenner a pris le bébé et ils s'en sont mordu les doigts. Que c'était un ancien de chez Mattel. Tout le temps que c'était un ancien de chez Mattel. Désolé les gars, c'est une bonne guerre. Et finalement, ils ont fait complètement machine arrière avec Conan, parce qu'ils avaient pris la licence, ils se sont dit non. C'est fini, on va arrêter de porter ces licences, on va développer notre propre univers et on le sortira pour Noël. Et ils ont eu raison. Mais tout à l'heure, Frédéric a cité un dessin animé dans la liste des dessins animés des années 80. Black Star. C'était le même schéma, c'était une sorte de Conan le Barbare. Exactement. Avec une double épée. Avec une double épée qui se scinde et le méchant Overlord détient une partie et l'autre. Ouais. Il était très musclé et très bronzé aussi. Exactement. Il y a un briquet à l'intérieur. Comme quoi. Une pierre à. Et on retrouve un peu la structure d'ailleurs de ce qui va être développé même aujourd'hui dans la série de Kevin Smith avec cette double épée à devoir reformer pour avoir le pouvoir intégral. Mais même dans He-Man, même dans Muscle. Les maîtres de l'univers, il y avait ce principe de double glaive. C'était le tout premier gimmick des deux personnages principaux pour acheter les deux jouets. Oui, exactement. Accessoires. Les deux moitiés de l'épée pour pouvoir. Puis ouvrir le château des ombres. Ouvrir le château des ombres, c'était la clé. Et alors, justement, ce glaive dont on parle, c'était aussi une première dans un dessin animé de voir un personnage avec une épée et de voir un personnage aussi, personnage principal, qui tapait ses adversaires parce qu'il y avait aussi des lois qui étaient très très strictes sur les confrontations physiques entre personnages dans les programmes pour enfants. Alors, ils ont un peu contourné quand même parce que souvent ils s'en servent quand même pour renvoyer les lasers plutôt que pour taper avec. Ouais. Donc ils ont comme ça qu'ils ont contourné. Et d'ailleurs ils ont contourné aussi la censure en faisant appel à des personnages accessoires comme Orko par exemple, qui est un personnage un peu plus léger. Puis surtout ils ont fait appel. Alors j'ai vu ça, ils appellent ça de l'animation pro-sociale. Ils avaient étudié ça avec Tal Bonjour d'Albert. C'est que pour faire passer des sujets qui sont un peu plus compliqués, on fait une petite leçon de morale qui va être à la fin. Aujourd'hui, on appelle ça le woke. Voilà. La société woke. Exactement. Et on va le retrouver d'ailleurs dans plein de choses, dans Masque, dans... C'était pour plaire à la censure, ça. Ouais, c'était pour plaire. Et aux parents. Oui, aux parents. Pour dire, qui avaient peur que ce soit violent par rapport à tous ces bagarres qui n'étaient pas si bagarreuses que ça. Mais c'est parce qu'en fait, le concept de base des Maîtres de l'Univers et de Musclor, je me souviens des petites bandes dessinées qui étaient livrées avec les figurines, c'était quand même... Ça semblait assez sombre. Eleni, même Skeletor... Bon, heureusement, dans la série, il perd tout le temps. Hein, je veux dire, le gâche rien du tout. Mais physiquement... Il a vraiment une tête de mort, il a un aspect un peu cadavérique, à part qu'il est musclé, mais en fait c'est assez marrant, ça pointe un des paradoxes de je trouve de cette licence, c'est que selon le média, c'est-à-dire dessins animés, comic book, les jouets et puis les multiples adaptations qui ont été faites par la suite, ça n'a pas du tout la même couleur, la même sensibilité, et selon les artistes et les équipes qui vont s'y frotter, chacune des équipes va y apporter un petit peu son grain de sel et faire un He-Man, un univers un petit peu plus sombre ou alors beaucoup plus enfantin. Et d'ailleurs, ça se voit même actuellement avec deux séries animées en même temps quasiment sur Netflix, avec une clairement orientée jeune public avec des designs beaucoup plus ronds, beaucoup plus Disney, et une orientée vers un public un petit peu plus adulte, un petit peu plus nostalgique. Et avec, même on si le on sent, sent bien dans la nouvelle qui n'est pas encore sortie, on sent l'influence notamment du design d'un dessinateur de comics comme Joe Madureira, oui, complètement, ouais, ou complètement. Jeff Matsuda, etc. Dans les personnages, les proportions et les. Et ouais. Oui, on est proche aussi de l'univers Darksiders, le jeu vidéo. Oui, mais on sent que le ton est néanmoins beaucoup plus orienté jeune public, ce qui est pas forcément pour me déplaire, mais c'est vraiment un exemple du fait que cette saga, cette franchise, en fait, on peut l'adapter un petit peu à toutes les sauces selon le public qu'on a envie de viser. Et comme aujourd'hui le public qui peut être visé par Musclor et les maîtres de l'univers, il est extrêmement large en termes d'âge. Oui. Il y en a presque autant. Pas tant que ça, on est resté des grands. Si on veut, ouais. On parle des maîtres de l'univers et je n'avais pas besoin d'un meilleur alibi pour écouter Princess of the Universe de Queen, la bande originale du film Highlander qui, oui, je vous rassure, aura droit aussi à son blockbuster. c'était Queen avec Princess of the Universe dans Blockbuster sur France Inter. Voici les maîtres de l'univers. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Musclor, héros du bien, sauvera-t-il la galaxie face à son ennemi juré, l'horrible Skeletor? Me voici, Skeletor. Musclor, Skeletor s'évade. Skeletor a encore réussi à s'échapper. Musclor pourra-t-il sauver la galaxie des griffes de Skeletor, génie du mal, pour vivre de nouvelles aventures fantastiques, les maîtres de l'univers. Nous sommes toujours avec Thomas de Souza et Alexandra de la chaîne YouTube Papa Blender et avec les journalistes Joe Youm et Alexandra Letraine pour parler de Musclor et des maîtres de l'univers. Alexandra, oui. Expliquez-moi comment vous avez découvert Musclor et les maîtres de l'univers. Moi déjà, c'est mon enfance. Alors moi, c'est surtout Shéra que j'ai découvert, puisque en tant que petite fille bien genrée des années 80, hein, on ne se trompait pas de rayon, hein, évidemment, elle est dans le bon. Et j'étais dans l'âge, moi, pour les acheter. Hein. Donc, enfin, pour les acheter, pour me les faire offrir. Il faut peut-être préciser aux éditeurs qui est Shéra, justement. Alors Shéra, c'est la sœur cachée de Musclor, oui. Qu'on a découvert quand finalement... Que de secrets en Eternia. Ah mais c'est terrible, ouais. Ça c'est un vrai gros secret, parce qu'en fait les créateurs de Musclor chez Mattel se sont réveillés avec des ventes qui dépassaient celles de Barbie pour la gamme Maître de l'Univers. Donc face à ça, forcément, fallait réagir. Donc ils ont mis une équipe de filles qui bossaient chez Mattel pour créer ce personnage féminin qui soit quand même... Ils voulaient un personnage fort, hein, donc c'était quand même vraiment une envie d'un petit côté féministe avant l'heure, enfin en plein dedans d'ailleurs, les années 80. Elle m'a toujours beaucoup fait penser à Lindsay Wagner dans Super Genie. La même, un petit peu la même époque, hein, oui. En fait, finalement. Et donc, ouais, ils ont fait quand même une... Ils l'ont créé, ils ont mis beaucoup de créateurs dessus, hein, des dessinateurs, et ils nous ont fait une sœur cachée, donc qui a été introduite dans la série. Dans un monde plus lumineux que celui de... Ou un petit peu plus coloré et plus varié, puisqu'en plus ils avaient pas mal progressé ensuite sur Filmation quand ils l'ont créé. Mais sur la poupée en elle-même, ils ont fait quand même quelques essais. Et puis fallait vendre, donc ils nous ont fait une première. Il y a eu que trois salves, hein, de poupées. Il y en a une vingtaine, hein, en tout et pour tout, donc c'est différent. Plein de gimmicks, donc plein d'accessoires. Elle avait un beau cheval ailé. Oui. Un voilà, un cheval avec ailé. Il y avait un château rose, un cygne aussi, une espèce Il y avait plein d'objets. Et puis bon, c'est vrai que de ma génération, on était quand même pas mal à avoir acheté ces poupées. Et elles étaient de la bonne taille, elles tenaient dans la main, on pouvait les emmener partout. Puis c'est pas des Barbies, hein. Elles ressemblent un petit peu, mais elles sont moins... dégourdies. Et puis elle avait une épée. Elle se bat. Alors c'est vrai que dans les reportages qu'on voit, ils ont eu du mal à la faire se battre parce que la censure était encore plus, sur le dos des créateurs. Ouais. Donc, une femme ne pouvait pas avoir une épée. C'était pas de bon ton, pas du goût de Mattel et des associations de l'enfance. Ouais. Et il fallait qu'elle se serve le moins possible de son épée, et si surtout par mégarde elle devait se battre, il fallait que ça soit une sorte de chorégraphie gracieuse qui envoie des puissances. Oui, avec un bâton de GRS. Exactement. Le progressisme dans toute sa splendeur. Tout à fait. Oui, Il y avait néanmoins une vraie pression sociale, en tout cas de mon côté en France, parce que moi qui étais assez complétiste, j'aimais beaucoup la gamme Shéra, qu'on achetait au rayon fille. Oui. Et quand t'arrivais à la caisse de chez Toys R Us avec ton blister Shéra, et que la dame de la caisse disait, mais vous êtes sûr, c'est pas pour... Non, mais si, parce que si, en fait, moi j'adore, mais j'aime parce beaucoup. Parce que c'est la sœur d'Adam. C'est la sœur d'Adam, vous comprenez. Et à l'époque, c'était un peu... faut se remettre dans le contexte, hein, les années 80, t'étais un garçon, t'achetais des jeux pour garçon, t'étais une fille, t'achetais des jeux pour fille. Ah oui, face à la gamme Shéra, on se retrouvait vraiment devant une sorte de cas de conscience comme ça, où moi j'en avais très envie, mais les gens disaient, ah non, mais ça c'est des jeux pour les filles, c'est les Barbies. Ouais, il y a vraiment un jugement qui, à mon avis, a un peu régressé aujourd'hui, même s'il y a encore les rayons roses et bleus. Hein, mais... J'ai eu le même dilemme quand mon fils m'a demandé d'acheter une poupée Reine des Neiges. Bah oui, et, c'est un bon exemple. Mais tout de suite, le fait d'être extrêmement progressiste, de travailler à France Inter, et là, mais bien sûr, je n'ai aucun problème. Et je m'attendais à ce que la vendeuse elle me décerne une médaille, elle m'a juste dit c'est 29,90. Ouais. et alors j'ai dit bon, ok, bon, elle s'est pas rendue compte à quel point j'étais moderne, mais oui, heureusement, ça évolue. Ouais. Mais c'est vrai que c'était... Alors, on a deux personnages qui ont des épées, mais qui n'ont pas le droit de les utiliser. On a un personnage qui a une tête de squelette, mais vraisemblablement... Mais il est quand même sympa. Il est quand même sympathique. Et c'est vrai qu'il y avait aussi cette iconographie du Château des Ombres, qui était fait en crâne, et qui était aussi... On pouvait l'acheter. Je crois que c'est mon premier souvenir de jouet d'enfance. Mais t'es fait opérer des amygdales et le lendemain de l'opération, mes parents m'avaient ramené ce Château des Ombres dans la chambre de l'hôpital, et je me souviens de l'infirmière qui avait dit « Oh là là, moi j'ai trop peur, je reste pas ici, j'ai peur du château. » Alors bon, c'est juste un château comme vous et moi, avec une tête de crâne et un pont-levis en mâchoire, ça faisait peur à tout le monde. Une opération des amygdales à Château des Ombres. Ouais, là, c'est, ça va, les parents. Je me suis appuyé sur le ventre pour essayer de me faire une appendicite pendant des semaines après, parce que j'avais vraiment envie de récupérer le château de Skeletor. Malheureusement, je l'ai jamais eu. J'ai toujours mon appendicite. Ah ben voilà, ça tient un peu de choses. Ça tient pas grand chose. Et alors, y a effectivement ce tigre, ce fameux tigre de combat. C'est une anecdote, je sais pas si c'est vrai, vous me confirmez ou vous infirmez, mais qu'en fait, au bout d'un moment, ils se sont dit, il faudrait une monture pour Musclor, pour Adam. Et comme ils avaient rien, ils ont pris un animal qui existait dans une autre série, et quand ils ont mis le tigre à côté de Musclor, ils se sont dit, il est beaucoup plus gros, il est beaucoup trop gros, il va pouvoir monter dessus, en fait. Ouais, c'est quand même une technique extrêmement développement durable. Ouais. C'est du recyclage, c'est ça. Mais alors, ce qui est super intéressant, c'est quand ils ont lancé la toute première gamme, en fait, quand Mattel a lancé les Maîtres de l'Univers, ils ont fait une série de 8 figurines, dont Musclor, Skeletor et quelques sidekicks. Ce Château des Ombres qui allait servir au magasin de faire un petit display qui allait faire les vitrines, c'était tout bien calculé. Et quelques véhicules, mais ils sont très vite arrivés à court de financement. Ils n'avaient plus rien pour faire le dernier véhicule, la monture de Musclor. Donc, Paul Cleveland, qui était le responsable marketing à l'époque, et s'est dit, moi j'ai travaillé sur Big Jim, je sais que dans la version Safari de Big Jim, on avait un tigre. Il l'a emmené chez son designer, il dit, tiens, je reviens demain, tu me fais un tigre. Mais on n'a pas du tout les mêmes proportions. Le Big Jim, ça fait 25 cm, ton Musclor, il en fait 15. Débrouille-toi. Il est revenu le lendemain, il était peint. En vert orange. Et il dit, j'adore ça, l'autre était dépité. Il a dit, non, j'ai fait ça pour déconner, je pensais que... Mets-lui une selle, ça sera génial. Voilà. Et ça a fait Kringer. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est super, ça. Formidable. Mais ce recyclage-là, ils l'ont fait aussi dans le dessin animé, parce qu'ils sont allés chercher des bestiaires de Black Star pour mettre dans les Maîtres de l'Univers. Ils sont allés chercher des bestioles de Tarzan, le dessin animé de Filmation qui avait été dans les Maîtres de l'Univers. Et puis c'est vrai que dans la deuxième saison, quand Filmation n'a pas voulu augmenter vraiment le budget des scénaristes, il faut dire que les scénaristes, ils étaient rincés. Ouais. Parce que la différence avec les autres dessins animés de l'époque, c'est qu'ils avaient 65 épisodes par an à faire. Un par jour. Et c'était colossal. En plus, c'était diffusé en quotidien. Enfin, Il y a souvent les mêmes séquences d'animation. Ouais, c'est ça, les mêmes scènes de rire. On pense à cette séquence de rire, évidemment, en recul. Et puis le point aussi. Et le point, le coup de poing, c'est tout le temps. On reprend des séquences et même dans les musiques, si vous faites attention. Oui, c'est les mêmes. Les musiques, alors amusez-vous à coller ensemble les musiques des Maîtres de l'Univers et des Mystérieuses Cités d'Or, vous allez voir. Ah bah oui. C'est quasiment les mêmes thèmes qui sont repris. Et d'ailleurs, derrière les musiques, je sens que vous avez. Non, pas du tout. Il a envie de le dire. On vous connaît. On l'entend. Allez-y. C'est qui est à l'origine des musiques culte d'ailleurs des Maîtres de l'Univers? Ils sont deux en fait. Il y a Erika Lane qui est mentionné. Alors Erika Lane, c'est une espèce de contraction entre Lou Scheimer et sa fille Erika Scheiner, qui se cachent derrière ce pseudonyme là. Et puis effectivement Shuki Levy qui a été à la manette sur ses. Voilà, je l'ai dit. C'est ça. Je crois que c'était sa première bande originale complète qu'il a fabriquée. Et il disait que quand il s'est présenté chez Filmation ils lui ont fait une petite fleur. Les mecs, ils disaient, moi, je sens qu'ils me faisaient pas confiance pour produire la musique. Il y est allé. Et puis les mecs, ils sont restés sur le cul quand ils ont vu ce qu'ils faisaient et ils lui ont proposé de faire Shira. Ouais. Voilà. On est à 2 mois d'émission. Eh bien, figurez-vous que ça va être la première fois. Ah. Où on va passer Eddie de Préto. Comme quoi on dit toujours François Teur et parce qu'Eddie de Préto et Juliette Armanet, c'est pas vrai. Hein, il y a aussi Hervé. On est Eddie de Préto avec Freaks. Rien à foutre d'être dans le coup. Je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines. Laisser les gens parler dans le fond. Laisse-moi là dans le flou. Tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent. J'ai de l'or dans mon moleskine. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Je serai celui hors des critères qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui qui se met en avant et fier. Ce qu'on n'a pas voulu faire de lui, qui s'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free. Quand je nage dans les rues, as-tu vu mes écorces là qui me protègent à mon insu? Vu scintiller mes balafres contre les casses, toi tu pues. Moi je ne marche plus à l'ombre, moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise. Je compte encore m'en servir, les remettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free. C'était Freaks d'Eddie de Tréteau. Blockbuster. Dis-moi, Adam, que dirais-tu de passer notre tour et d'attendre que les méchants s'en aillent? Non, on n'est pas des lâches, Kringer. La sorcière a besoin de son champion. Frédéric Sigrist. Par le pouvoir du crâne ancestral. Sur France Inter. C'est plus les mêmes voix, hein. Mais oui, c'est plus, mais oui, c'est révélation. C'est la série Netflix. Justement, Muscler a eu droit cet été à une nouvelle série sur Netflix, scénarisée par Kevin Smith, à qui l'on doit les films Dogma ou Jay et Silent Bob, et en comics des arcs scénaristiques sur Daredevil ou Green Arrow. J'aime bien faire Daredevil, j'aime bien faire Daredevil, Daredevil. Et sa version des maîtres de l'univers, sa version à lui de Kevin Smith. Il y a des gens qui n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Cette série est un piège, elle essaie de vous attirer avec un bon premier épisode pour ensuite vous cracher à la gueule dès l'épisode 2. J'aurais jamais dû faire confiance à Netflix et sa bande-annonce trop belle pour être vraie. Déjà, oser faire un épisode 1 avec Musclor pour ensuite te l'enlever comme ça. À la fin de l'épisode, fallait oser. La série est devenue très vite insupportable avec ses jeux de mots pas drôles. Bref, je sais pas ce que Netflix a voulu viser comme public en finançant cette série. Sens critique. Nul, nul, nul, nul. Ah, Hollywood, la mode est au girl power insupportable. Un convoyé de progressistes, je veux bien. Mais qu'on relègue l'homme au rôle de relique inutile, ça, je suis pas d'accord. La série, c'est Musclor, pas Tila. S'ils voulaient faire une série basée sur Tila, ils avaient qu'à faire un spin-off. Je l'aurais regardé, car la réalisation de Humaine Révélation est bonne. C'est juste le scénario qui suinte la puanteur d'un girl power gluant et démagogique qui détrousse la quintessence des séries et des films qu'on a aimés. Jurisprudence Star Wars et Terminator. Pour en faire des hymnes à des personnages féminins qui ne sont que la pâle lueur des héros de base. Enfin, tant qu'il y a des gens qui regardent ces merdes, aucun souci. Halluciné. Un mauvais moment à passer. Alors effectivement, cette série des maîtres de l'univers révélation a eu un accueil contrasté. Ça a cristallisé pas mal d'attentes diverses et variées. Donc forcément, de toute façon, dès qu'on s'attaque à quelque chose, à une œuvre dans laquelle la nostalgie de spectatrices et spectateurs aujourd'hui adultes on grandit, forcément, il y a des attentes un petit peu démesurées. Et donc, les réactions sont démesurées également. À attente extrême, réaction extrême. Donc, les gens qui ont trouvé ça super, souvent, ont trouvé ça vraiment super. Et les gens qui ont détesté... Julien, vous faites super bien les gens qui ont adoré. Ça, super ouais. Et les gens qui ont détesté... C'est des gens qui ont très peu d'amis parce qu'on les invite nulle part. Ouais. Ils sont insupportables, à table. C'est vraiment très, très chiant. Mais c'est également le cas, vous l'avez dit d'ailleurs, pour Star Wars, pour toutes ces licences qui vraiment ont bercé l'enfance de nombreuses personnes. C'est vrai que ça donne envie de le critiquer fort. Ouais, donne envie de critiquer très très fort. Et vous, Joe Hume, est-ce que vous avez aimé ? Oui. Oui, j'ai trouvé ça voilà. Ah, j'ai trouvé ça super. C'est pour ça qu'il le fait vraiment, bien. J'ai été très agréablement surpris justement par cette prise de risque un petit peu qui personnellement m'a séduit et étant moi vous savez, je suis un lecteur de comics. Donc en fait, je suis de toute façon habitué depuis très longtemps à avoir des variations sur le même thème. Moi le personnage de Batman, si j'étais un intégriste total, j'aimerais une version de Batman et toutes les autres, je les trouverais complètement, complètement détestables. Donc là, en fait, c'est des gens qui se sont réappropriés la franchise, qui ont décidé d'en faire une suite et d'y apporter leur propre vision. Elle est finalement pas si éloignée de la version originale, mais effectivement, elle prend le temps de se concentrer sur d'autres personnages féminins. Ok, désolé. Et moi, ça me va très bien comme ça. Et en plus, je subodore un retour en force des personnages masculins sur la deuxième partie qui est d'ores et déjà annoncée. Donc on verra comment le vent tourne, mais moi personnellement je fais pas partie des personnes qui et en qui plus se dans la sentis, version originale Tila est doublée par Sarah Michelle Gellar, tout Buffy, à fait. Ouais. Donc à partir de, pour moi tout est dit là. Mais c'est, voilà. c'était Buffy, elle double, tu t'étais. Ils avaient annoncé la couleur avant même que ce soit diffusé en fait. Donc oui, c'était sûr que Sarah Michelle Gellar allait pas être un personnage relégué au second plan. Enfin, ça me paraissait logique. Alexandre Le Train, je vous sens plus dubitatif. Non, j'ai appris, c'est un mot que j'ai appris avec Aloïs Sauvage. Dans elle fait une moue dubitative, donc je vous sens dubitatif. Je suis plus dubitatif, pas dans le sens où, effectivement, je trouve qu'en termes de narration, elle est même, en termes de scénario, elle est même mieux foutue que la première série, parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment des tentatives. Enfin, le cliffhanger du premier épisode, que personne ne voit venir, est évidemment hyper malin. Le cliffhanger du dernier épisode à la fin du cinquième, ça aussi, c'est quand même sacrément bien vu, donc c'est très bien construit. Les épisodes se suivent beaucoup plus que dans la version initiale, mais j'ai quand même la sensation d'un Kevin Smith qui s'amuse beaucoup. Et d'ailleurs, quand on regarde le show qui est fait après la série qui est diffusée sur Netflix, on sent le mec qui s'amuse à aussi casser un peu le jouet qu'il a adoré, à troller un peu. Et regardez, d'ailleurs, il le fait, il se fend la poire avec Mark Hamill qui donc double Skeletor, qui est d'ailleurs un très bon choix, je trouve, pour doubler Skeletor. Mark Hamill qui a doublé aussi Joker. Exactement. Voilà, et il le fait, il dit, regarde, on l'a fait deux fois, t'as vu, on les a bien eus quand même et tout. Oui, bah oui, et moi je suis plus dubitatif parce qu'effectivement, moi le débat des maîtres de l'univers, on l'a rappelé, c'est quand même le personnage de Muscler. Bah, ça me pose pas de problème qu'il y ait de personnages comme Tila qui soit monté en puissance encore plus parce qu'il est hyper intéressant. Mais moi j'ai une espèce de frustration de fan de la première heure, et pourtant je trouve que c'est très bien qu'on fasse des remakes sur ce genre de série parce que je suis pas réac à ce niveau-là. Thomas de Souza. Les fans font le procès de Kevin Smith et je trouve ça très dur. Alors déjà moi je suis pour respecter le choix d'un artiste. Aujourd'hui de toute façon c'est lui qui l'a fait. Il a été choisi c'est lui qui a été choisi, c'est lui qui l'a fait. Voilà, et ça on doit le respecter de toute façon, et on peut pas reprocher à un fan de Musclor de s'amuser avec Musclor. Et je le fais plutôt de manière très intelligente. Et à mon sens, il respecte profondément le lore qui s'est construit. Le lore. Alors, le lore. Excusez-moi. Alors, on a un terme. Oui. En début de saison, on a dit c'est la vrai. Cosmogonie. Pardon, cosmogonie. Non, la cosmogonie. Voilà. L'univers. Non, cosmogonie. Cosmogonie. Parce que l'univers, c'est pas le même nombre de points au Scrabble. Cosmogonie. La cosmogonie des maîtres de l'univers est parfaitement respectée. Elle est même enrichie. Elle est enrichie. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle est un peu organique. Ce qui ne veut strictement rien dire, mais j'avais envie de le placer à non, ce mais moment-là. C'est pas faux, parce que je trouve que cette. En fait, les maîtres de l'univers. Alors, c'est exactement ce que je voulais dire. Les maîtres de l'univers, ça a toujours été une sorte de truc antagoniste entre l'héroïque fantasy et la science-fiction. Tout à fait. Et en fait, prendre ce parti de faire se confronter ces deux concepts-là dans cette suite. J'ai trouvé ça extrêmement malin. J'ai adoré la carte mère, par exemple. Le concept de la carte mère, j'ai trouvé ça très drôle et génial. Pas de spoil, Et Kevin Smith s'amuse avec tout ça. Je cherchais. je savais pas. C'est, comment dire, pour moi, alors attendez, je vais intellectualiser quand même parce que... On est sur France Inter. Moi, je suis quand même en train de parler d'un gros barbare avec un slip en fourrure. Je pense qu'il est temps d'intellectualiser les maîtres de l'univers. Il me permet de recadrer un peu le débat. Pour moi, je l'ai pris comme ça. Je pense qu'il a fait, au travers de Tila. Tila, pour moi, dans cette histoire, elle symbolise les fans qui sont restés pendant plusieurs années sans Musclor. Et je pense que c'était une manière un petit peu de lancer une métaphore de cette perte du héros barbare pendant des années. Et Tila évolue dans cet univers comme ça, en absence de Musclor, comme ses fans qui ont attendu le retour. Et c'est pour ça que je suis comme toi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu d'En attendant Godot dans cette version des Maîtres de l'Univers? En attendant Biscotto. Il faudra voir la deuxième partie de cette saison pour juger dans son... C'est totalement vrai. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, vous avez fait une émission sur Twin Peaks, et c'est exactement le même principe qui s'est fait avec la saison 3 de Twin Peaks, c'est-à-dire que les gens s'attendaient à voir quelque chose, ils s'attendaient à voir revenir des personnages, et en fait, le créateur s'est dit, bah non, moi je fais autre chose, on a 25 ans à passer, 35 ans à passer, on fait autre chose, je propose autre chose, et c'est effectivement ce qu'ils ont fait avec Révélation. Bon, Alexandra, on est arrivé à un point où on parle de David Lynch en parlant des Maîtres de l'Univers. Je vous propose qu'on se remette de cette émotion en écoutant une chanson, et puis après vous nous donnerez votre point de vue. Okay. Parce que Skeletor, plus bref. Comme Voldemort et Dark Vador, ils viennent du côté obscur, le Dark Side, et Dark Side, c'est le groupe qu'on va écouter avec Lawmaker, une programmation musicale que l'on doit à l'homme à la casquette, Thierry Dupin. He's wearing the doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's got the cures we need. People rejoice in that. They say how hard it's been and how easy it'll be. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring. Solution levels it up against the sun, a silly kind of ablution. The red glow in his face, making him look like the son of God. His teeth are glistening, his hair is wild, his feet are stomping on the ground. is where every doctor's call. Put in his hand as the ring of the law. C'était Lawmaker de Darkseid en Blockbuster sur France Inter. Et il est possible que je ne vous l'ai jamais dit parce que je suis distrait, mais c'est toujours Céline Hila qui réalise cette émission et elle est toujours préparée par Emma Ferret et Cyril Marchand. Notre stagiaire Robinson Radonac et notre stagiaire réalisation Véronique Amilleur sont toujours là également. Dans un monde qui bouge et qui n'est que chaos, c'est rassurant d'avoir des fondamentaux. Même le jour de la cérémonie en l'honneur de Tila, je vois que le château maléfique ne laisse aucun répit. Et tu sais ce que je vois, moi, sorcière ? Je vois que la gardienne du château des ombres s'est fait avoir. Elle s'est laissée berner par les apparences et par mon bâton de la transformation. Car tu as devant toi le seigneur de la destruction, Skeletor ! Mon pauvre Skeletor, croyais-tu sincèrement que cette ruse pourrait duper la sorcière du château des ombres ? Et oui, Eric Peter qui double Skeletor dans les maîtres de l'univers Révélation devrait savoir qu'en 2021, les femmes ne sont pas dupes quand on agite son bâton de la transformation. La sorcière Armelle Gallo est doublée donc par Armelle Gallo parce que c'est voilà. Et donc Alexandra, Alors je signale quand même aux éditeurs que j'ai fait ma deuxième dose et voilà, cette émission se passe intégralement en direct d'une deuxième dose faite à 10h45, sachez-le. Alexandra. Alors oui. Donc le remake. Voilà, le remake. Mais moi déjà le remake, je suis pas une très grande fan des remakes en général parce que je pense mais que quand c'est pas un remake. Un petit peu quand c'est même. C'est pas non. Légèrement non, transformé. Laissez parler. Laissez-moi parler. Laissez hein la police faire son travail. En fait, c'est vrai que je suis d'accord quand même avec tout ce qui a été dit parce que il y a un effort. On sur sent Lynch que. Aussi non, sur Lynch, j'étais perdue. J'ai fait une petite sieste. Non, mais je trouve que l'idée de faire un remake pour quand même tout déchiqueter, tout perturber les fans anciens, sachant que c'est des séries qui attirent pas tellement les nouveaux. Je pense pas, en tout cas. On avait dit qu'on parlait pas de Star Wars épisode 8. Là, on est... Donc, bon, pour être courte, j'aime pas trop. Moi, j'ai pas accroché. Je trouve qu'il y a des choses qui étaient quand même réussies. C'est pas tout acheté. Mais j'aime pas qu'on. Alors, je ne peux pas faire de divulgation. Oui. Ça passe. C'est, mais bon. Il a fait des 10, c'est OK. Oui. Il a fait des efforts. Voilà. OK. Donc, sur les chaussures, il était pas au point. Mais bon, on le laisse. Mais passer. Quand même, il y a des personnages qui disparaissent que j'apprécie pas. Qu'on les fasse qu'on zigouille. Comme ça. Mais voilà. Cette relecture, elle s'inscrit dans un vent de recréation de dessins animés d'antan. Et il y a eu Shira justement. Qui a eu droit. Là est un remake. Un remake sur Netflix. Moi, c'est une série que j'ai adorée. Vous aussi, j'ai l'impression. Ouais, j'ai trouvé ça super. Et là, en fait. En fait, je comprends ton point de vue, Alexandra, parce que justement, je le comprends parce que ce n'est pas un remake et que, étant donné que c'est une suite, il y a tant de libertés qui sont prises. Mm. C'est des libertés qui auraient peut-être été mieux acceptées si Révélation avait été un remake. Un vrai remake. Là, Shira, on est dans un remake pur et dur qui s'adresse à une nouvelle génération. Mm. C'est le postulat de base et je trouve que ça fonctionne très très bien et peut-être que des choses qui ont été perçues par les fans de Musclor comme de la féminisation à outrance et quelque chose d'un petit peu mal placé. Je pense que dans Shira, alors déjà c'était tout à fait logique puisque c'est une héroïne et ça a été encore poussé un petit peu plus loin. C'est très inclusif. Et j'ai trouvé ça fait de manière très intelligente. En plus, j'ai pas été insensible à tout l'aspect, la direction artistique, l'aspect visuel. J'ai beaucoup apprécié. Et les gens vont croire que j'aime tout. Les gens qui sont derrière aussi sont à l'origine d'un autre dessin animé. Suite remake qui est la bande à Picsou, effectivement, la version plus récente, qui est une relecture fantastique de l'univers de la bande à Picsou. Et on retrouve, même si c'est un univers très différent, les mêmes qualités d'écriture et de scénarisation qui font que on a des personnages qui vont d'un point A à un point B entre le début et la fin de l'aventure et qui évoluent entre temps. Il y a aucun personnage qui est laissé de côté. Tous sont vraiment traités de manière un petit peu égale. j'ai trouvé ça assez solide comme travail, quoi. Voilà. Alexandre Le Train, vous, Chira, ça vous a plu? Ben, alors moi, celui-là, je l'ai pas aimé, mais pour une autre raison, c'est qu'effectivement, je le découvre avec les yeux que j'ai aujourd'hui. Ouais. Mais en même temps, tout ce qui a été dit est vrai, c'est-à-dire que c'est un remake, et à partir du moment où c'est un remake, c'est une relecture totale, faite par une bande d'auteurs. Accepté. C'est effectivement très bien écrit, comme tu l'as dit, Fred, c'est très inclusif, et ça fait du bien, on a besoin de ce genre de choses aujourd'hui, en 2020. Mais moi, j'ai rien à dire là-dessus, parce que c'est une relecture, c'est adapté à l'animation d'aujourd'hui. Évidemment, si on découvrait peut-être les dessins animés qu'on a aimés dans les années 80 aujourd'hui, je pense qu'on aurait mal aux yeux. C'est vrai que là, on parle avec beaucoup de nostalgie, mais quand on revoit les ça a mal vieilli, ça a très, très mal vieilli. J'ai essayé avec l'enfant. J'ai essayé avec l'enfant. Bon, il a tenu 5 minutes. Hein. Oui, c'est alors que Révélation est très beau. Enfin, oui. Visuellement est très beau. La musique de Bir McCreary, celui qui a fait la musique de Battlestar Galactica ou de Walking Dead, c'est une musique qui est magnifique, qui d'ailleurs se rapproche beaucoup, je trouve, de l'univers de Conan. Ouais. Ou de l'héroïque fantaisie de Conan, pardon. C'est magnifique. Donc voilà, mais en tout cas, sur Chira, il y a une vraie proposition. Après, c'est vrai que sur Netflix, il y a quand même quelque chose, c'est que les gens apprécient pas tellement quand ils se rapprochent ces dessins animés, parce qu'ils ont un peu massacré, par exemple, l'œuvre des Chevaliers du Zodiac. Ça n'a jamais existé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais il y a eu une autre adaptation que j'ai évoquée en début d'émission, qui est ce film. Avec Dolph Lundgren dans le rôle de Musclor. Alors il faut savoir qu'en version originale, il s'appelle He-Man, c'est-à-dire lui homme, et donc sa sœur s'appelle She-Ra, Elle-Ra. Faut quand même en termes de nom, c'est ça se pose là. Hein. Et ça corrobore quand même ce que je pense sur les parents d'Adam, qui s'intéressaient vraiment pas. Comment on l'appelle? Bah lui. Lui homme, c'est un garçon. Et donc en fait, il y a eu ce film avec Dolph Lundgren et Courteney Cox, Monica de Friends. Est-ce que vous l'avez vu? Ouais. Je l'ai vu en salle. Moi. Ouais. Ah oui. Ouais. Toi aussi, t'allais le voir en salle? Non. Je l'ai vu en salle à l'époque à l'UGC du Carrefour Paris Nord, Aulnay-sous-Bois. Hein, j'en ai vraiment un souvenir. Ça marque. Je me souviens du Skeletor cartonné, la silhouette qui était à l'entrée du cinéma. En fait, je pense qu'à l'époque, j'ai trouvé ça génial parce que c'est impossible d'être déçu en 1986 quand t'es un enfant qui va voir Musclor au cinéma. Bon, évidemment, les années budget de 20 millions de dollars. Hein. Ouais. Budget de 20 millions, produit par la Canon, qui était une société de production connue pour ses films d'action un petit peu fauchés. Mais néanmoins. En fait, à l'époque, j'ai trouvé ça super. Aujourd'hui, les années n'ont pas été tendres avec ce film. Je suis encore foutu de trouver des qualités. Hein. J'aime beaucoup Frank Langella en Skeletor. Il me fait rire. Ouais, c'est une sorte de parodie de Dark Vador, son entrée son entrée en scène et d'une théâtralité grotesque. Bon, c'est pas très très bien, cela dit. C'est très peu fidèle aux matériaux d'origine. Oui, puis Dolph Lundgren avec le mulet. Jamais il lève son épée pour dire qu'il a le pouvoir, on sait pas trop. Le château des ombres. Ils avaient pas de budget pour un tigre. Non, il y avait vraiment. Ils viennent sur Terre, je crois. Ils viennent un jour. Tania Cruz. Bon, c'était pas une réussite totale. Ça me faisait penser à l'époque à Darl Invincible qui était sorti avec Mark Singer. Avec Mark Singer. Ça faisait penser un peu à cet univers-là, un peu d'héroïque fantasy fauché. Mais je crois que je préfère quand même Darl Invincible. C'était quand même vachement bien. Oui, et moi aussi. Et une suite était prévue. Et finalement, ça s'est pas fait. Il y a eu des bisbilles entre la Canon et Mattel. En fait, ils avaient déjà investi dans des décors, mais pour beaucoup moins. Je crois que là, on était passé de 20 à 5 millions. Et dans ces décors, ils ont fait Cyborg avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme. Après, le truc, c'est que le film est arrivé, finalement. Nous, en France, on était en pleine vague He-Man. Mais aux États-Unis, la gamme avait déjà perdu de son attrait auprès des enfants. Donc le film est arrivé pour essayer de relever un peu le niveau, mais ça n'a pas fonctionné. C'est malheureusement la fin de cette émission. Thomas de Souza, Alexandra Joyoum et Alexandra Le Train. Alexandra Le Train. Voilà, je fusionne tout le monde. Et là, Alexandra Le Train, merci à vous. Merci également à Antoine Gomez à la technique et Maxime Goudard au mixage. Franchement, les gars, j'en ai connu des mieux, mais pas beaucoup, comme dirait Bill Murray dans Ghostbusters. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Tu veux dire que père et mère ignorent que tu es Musclor? Absolument, et tu ne dois pas non plus leur dire que tu es Chira. D'accord, Adam, si tu le dis. Où est le portail? Derrière cette colline. C'est de là que la sorcière nous ramènera à la maison. Lundi dans Blockbuster, deux hommes qui ressemblent à des témoins de Jéhovah. Sauf que leur truc, c'est plus la soul music que les armes bibliques. Deux Men in Black qui font de la musique black de bluesman. Deux musiciens délinquants qui jouent de l'harmonica mais que la police veut mettre au violon. Lundi, on parle des Blues Brothers. We're on a mission from God. France Inter.